arrivé? Qu'est-ce qui t'a mis dans ce secret? Il y avait quelque chose au début. Non, c'était les vols même. Ils sont vivants. Ah, la pauvre chérie, elle a eu beaucoup d'émotions. Je vais aller la couper. Non! Non! Je n'irai pas! Je veux partir d'ici! Je veux qu'on m'emmène maintenant! We'll be right back. life being a state of existence, you can't learn it in colleges or universities. It's something that you live or experience. They better ask somebody. They better ask somebody. They better ask somebody. They better ask somebody. Thank you. Now everybody to the dance floor. We'll be right back. quality product. Fluently to frequently, another MC will drop off the drop off the drop off.